Les peuples progressistes du monde ont célébré solennellement le 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, le 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et le 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme. Les délégations de partis politiques, organisations et établissements de divers pays, comme le Mouvement de la Résistance Nationale d'Ouganda et le Comité National Népalais pour la mémoire du président Kim Il-sung et du camarade Kim Jong-il, ainsi que les personnalités de divers milieux du monde, tels que le secrétaire général du Comité central du Parti communiste bangladais marxiste-léniniste, ont visité l'ambassade coréenne dans leur pays. Le département des relations extérieures du comité central du Parti communiste vietnamien et le comité de Yangon du Parti pour le développement de la solidarité de l'Union de Myanmar ont fait parvenir les corbeilles de fleurs à nos représentations diplomatiques. Par ailleurs, les meetings, séminaires sur les exploits, conférences, expositions de livres et de photos, séances de films et autres cérémonies politiques et culturelles variées ont eu lieu en Mongolie à l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et partout dans le monde entier. La Russie, le Laos, la Hongrie, la Pologne et autres pays du monde ont fait paraître en brochures et présenté dans les journaux et les pages d'Internet des ouvrages des camarades Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Les personnalités de divers milieux du monde, à voir le secrétaire général du comité central du Parti socialiste populaire mexicain, le premier secrétaire du comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour le territoire maritime, le président de l'Association d'études des Éducés de Delhi, Inde, ont exalté les espoirs des grands leaders pour la fondation et le développement du Parti du Travail de Corée, alors que le journal Iranus, le homepage d'Internet de l'Association d'amitié avec la Corée, siégeant en Espagne, et autres masses médias ont présenté l'histoire de direction du Parti des grands leaders coréens avec leurs portraits en sourire et leurs photos.